Des séminaires et séances de lecture du message de nouvel an du dirigeant suprême Kim Jong-un se sont tenus en Autriche, en Espagne, en Égypte et en Tanzanie, en présence des personnalités et habitants des pays intéressés. Les orateurs ont dit que le message de nouvel an de son Excellence Kim Jong-un est un guide indiquant la voie à suivre par le peuple coréen et les autres peuples progressistes du monde, et que cette année aussi, le peuple coréen unit fermement autour de son dirigeant, mènera vigoureusement l'offensive générale pour atteindre l'objectif de la stratégie quinquennale du développement de l'économie nationale présentée par le Parti du Travail de Corée.